Et ce soir, il sera donc question du vieillissement. Alors, je suis certain que tu as déjà entendu parler de ce phénomène où on extrait une cellule du corps. Il rit déjà. On extrait une cellule du corps et puis on a des chances de la faire vivre beaucoup plus longtemps que si elle était incorporée dans un corps qui vit la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène? Parce que tu y as fait allusion cette nuit, puis on n'a C'est le pas entendu le docteur, développement. oui, c'est Alexis Carrel qui, dans les débuts 1900, 1912, je crois, a retiré une partie du cœur d'un poulet. Il l'a conservé dans des solutions lui permettant de vivre, similaires au corps. Et presque 32 ans après, par accident, on a arrêté l'expérience, mais la partie du cœur de poulet vivait toujours. Et un poulet ne vit pas 32 ans, tout le monde sait ça. Surtout un poulet qui est cultivé pour être mangé. Mais 32 ans après, par accident, on a arrêté l'expérience. Donc, on a renversé, on a frappé où il y a eu un incendie. Et puis là, le cœur vivait toujours. Maintenant, avant de connaître cette expérience, je savais déjà que de toute façon, la vie vivait toujours. J'ai déjà fait une conférence au niveau de l'enfant où j'expliquais justement qu'une personne relativement âgée, si elle enfantait ou si elle donnait naissance à un enfant, soit un homme, soit une femme, l'enfant avait la même texture qu'un enfant qui naissait de parents qui avaient 18, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Alors, si, par exemple, un homme de 60 ans donne avec une femme de 45 ans naissance à un enfant, l'enfant aura la même texture cutanée, la même texture physiologique. Il sera identique à un enfant qui viendrait au monde de parents de 20 ans. Alors, comment ça se fait que les adultes rendus à un certain âge, sont capables toujours de transmettre la vie impeccablement parfaite, mais eux ne sont pas capables de la régénérer chez eux. Si la vie quitte totalement le corps de l'homme ou de la femme, ils ne peuvent donc pas enfanter un enfant, ils devraient normalement enfanter un enfant vieilli. Donc l'enfant vient pesant le nombre de livres conventionnels, sauf qu'il aurait une peau flétrie, il aurait un système cardiaque déjà usé. Pourquoi? Parce que si la cellule de l'homme et la cellule de la femme, donc le spermatozoïde et l'ovule, pardon, partent d'un corps qui est vieilli, un corps qui manque de vie, ces deux cellules devraient aussi manquer de vie. Ils vont se rencontrer, ils vont se connaître et ils vont se multiplier d'une façon impeccable, recréant un corps tout à fait neuf. Tandis que ces mêmes cellules à l'intérieur du corps de la mère et de l'homme, la même énergie, les cellules qui cohabitent avec avec le nombre de cellules qui constituent les corps, à un certain moment de la vie, apparemment, perdent la mémoire de ce qu'ils devraient faire. Alors, soit qu'ils perdent la mémoire, soit qu'ils perdent la faculté de se reproduire d'une façon impeccable. Alors, lentement, on assiste à une dégradation cellulaire. Donc vieillir, c'est normal, mais dans tes termes, est-ce que c'est correct? Non. Bon, oui, c'est normal. Normal parce que tout le monde vieillit. Alors, effectivement, la question, est-ce que c'est correct? Non. Non, c'est pas correct. N'est-ce pas que c'est pas correct de vieillir? Bon. Oui. Ça commence bien au moins, on n'aura pas d'accident la soirée. En tout cas, c'est payer très cher l'acquisition d'un peu de sagesse sur la fin de sa vie. Le vieillissement, oui, effectivement. C'est la seule chose que tout le monde arrive à faire en même temps, à vieillir. Alors, qu'est-ce qui oblige le vieillissement chez l'humain? Premièrement, est-ce qu'on peut retrouver des raisons intelligentes au niveau cosmique du vieillissement chez l'homme et chez la femme? On peut aussi constater que la majorité des individus qui n'ont pas de corps mental suffisamment développé, prenons l'exemple des pays sous-développés où on n'a pas d'intellect, où on n'a pas de faculté de nourrir l'intellect par l'étude universitaire, par exemple, par des émissions de télévision suffisamment intelligentes, comme on a ici. Comme on a sur le contexte nord planétaire. Partout ailleurs où on n'a pas de contexte mental suffisamment vibratoire chez l'homme, on assiste à la naissance de l'enfant, on assiste à un développement relativement rapide, c'est-à-dire que l'enfant apprend à intégrer assez rapidement le jeu de l'adulte, parce que le jeu de l'adulte est simple dans les pays sous-développés. Un enfant de 9 ans dans un pays sous-développé peut tenir une taverne, peut tenir un hôtel. Tandis qu'ici, un enfant de 9 ans, il peut tenir un jouet, un fusil, mais il ne pourra jamais tenir un hôtel. Mais étant donné que le jeu de l'adulte ici est hyper compliqué, l'enfant ne peut pas imiter l'adulte à l'âge de 9 ans. Tandis que dans les pays sous-développés, c'est facile. La jeune fille va travailler avec sa mère, elle va apprendre à cuisiner à l'âge de 7 ans. Enfin, le jeu est relativement facile, donc les enfants deviennent matures rapidement et meurent aussi plus rapidement. L'enfant va devenir adulte, l'adulte va être hyper joli et évidemment agressé par les photons du soleil, par les rayons ultraviolets du soleil. La peau va subir immédiatement, relativement rapidement, une perte d'énergie vitale, donc le corps vieillit vite. À 30 ans, une personne qui vit dans les pays chauds a le corps d'une personne de 45 ou 50 ans ici, et dans la majorité des cas. La slush, ça conserve, là. Oui, ça va un peu ça. La gadoue. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne devient adulte et à un moment donné, elle commence à vieillir et vieillissant, elle redevient enfant dans sa psychologie tout en conservant un corps de non plus d'adulte, non plus d'enfant, mais de vieillard. On appelle cela la sénilité, mais ce n'est pas nécessairement un état de sénilité, c'est un état qui est normal parce que couramment appliqué au niveau des pays sous-développés et même de plusieurs vieillards ici aujourd'hui, des vieillards qui n'ont pas nécessairement de corps mental suffisamment développé pour pouvoir légiférer sur ce qui leur arrive, et ils redeviennent enfants. Alors, on peut donc voir immédiatement, juste dans ce phénomène, l'attraction mémorielle du passé chez l'adulte. À un moment donné, l'adulte veut revivre sa vie, ne veut plus vivre dans l'avenir, ne veut plus vivre un présent qu'il ne connaît pas. Il préfère essayer de revivre un présent qu'il connaît, et lentement, il va perdre la mémoire des choses immédiates pour se rappeler de v'là 2 ans. Et à un moment donné, il va oublier ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il va se rappeler de v'là 15 ans, ou de v'là 20 ans, ou de v'là 30 ans. Alors donc, l'adulte, la mémoire de l'enfant qui est mort lorsque l'adulte est venu au monde, elle revient lorsque l'adulte meurt. J'ai déjà expliqué que plus l'adulte évoluait, chaque fois que vous évoluez de jour en jour, pour être précis, de millième de seconde en millième de seconde, vous êtes des assassins, et c'est normal, et c'est impeccable. Et la personne que vous tuez, c'est vous. Cela veut dire qu'un jour, vous avez eu 12 ans, et à 13 ans, l'enfant de 12 ans n'existait plus sur la planète Terre. Un enfant de 13 ans existait à la place. Et pour que l'enfant de 13 ans puisse exister, il a fallu que celui-ci détruise l'enfant de 12 ans. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez détruit tous ceux qui sont passés avant vous dans votre corps. Alors, vous ne pensez pas comme vous pensiez. Vous n'avez pas les mêmes émotions que vous aviez. Oh, similairement, vous n'avez pas les mêmes goûts. Vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez plus les mêmes mémoires et vous n'avez plus les mêmes désirs. Vous n'avez plus les mêmes peurs, vous ne voyez plus la vie comme vous l'avez vu, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Ce que vous étiez est disparu. Et un jour, lors du processus du vieillissement, ce qu'on est commence à cesser de s'améliorer et lentement on dirait que ce qu'on a été commence à revenir s'implanter. Et le corps s'en va. Chaque fois qu'une chose tend à être conservée mémoriellement et tend à ne plus pouvoir bouger avec la vie, elle meurt. En réalité, elle est morte. Alors, elle se désagrège. Si le corps physique ne peut plus se nourrir, si le sang ne circule plus, si les cellules ne vibrent plus, le corps pourrit. C'est un peu la même chose au niveau de l'âme, donc au niveau du corps émotif, du corps astral de l'humain. Lorsque celui-ci ne veut plus englober aucune nouvelle mémoire, il meurt. Alors, il va essayer de vivre avec il va manger ses muscles. Il va manger la graisse qui constitue son corps, c'est-à-dire que cette âme, qui ne veut plus agglomérer d'expérience, va commencer à se nourrir de tout ce qui la constituait. Comme un trou noir. Un peu. Alors, elle absorbe, elle implose. En se nourrissant, parce que vu qu'elle ne veut plus accepter de nourriture de l'extérieur, elle devient anorexique au niveau de l'expérience et elle commence à s'auto-ingréger. Alors, ce qui va arriver, c'est que les mémoires immédiates sont oubliées. Parce qu'elles ne sont plus mémorisées. Et lentement, les mémoires volatiles contenues dans l'âme, entre l'ego et le périsprit, finissent par s'agglomérer sur l'ego, donc l'individu retourne lentement en enfance. Oui? Donc, tant qu'on a la possibilité de faire des expériences nouvelles, tant qu'on a la possibilité d'engranger de l'information, de se risquer dans quelque chose, etc., certaines motivations, on peut atteindre un plan de vie assez long. Mais est-ce que le vieillissement, est-ce qu'il n'est pas déjà au départ programmé dans la cellule même du corps? Bon. Et qui le programmerait ou quoi? On va y venir, juste répondre à ta question. Premièrement, si on fait juste observer, là je parle du vieillissement de l'âme, du vieillissement psychologique, qui va lui aussi entraîner une succion d'énergie vitale au niveau du corps physique et qui va entraîner aussi un vieillissement du corps physique. Regardons juste l'exemple d'une personne qui se dit âgée, parce qu'elle a été programmée par la société à être âgée. Elle a 50 ans, et elle dit « Moi, je suis jeune de cœur et d'esprit ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle joue avec des jeunes, ça veut dire qu'elle veut voir des nouveaux films, ça veut dire qu'elle veut voyager, ça veut dire qu'elle veut, elle est encore apte à accumuler des nouvelles expériences, donc elle ne peut pas devenir sénile. Tandis que lorsque la personne se renferme, et plus elle va se renfermer, plus on va la renfermer, et plus on la renferme, plus elle se renferme, alors elle devient apparativement sénile, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus, elle ne vit plus dans le même monde que nous. Donc on n'aide pas forcément, ou la société n'aide pas forcément les gens en anticipant leur retraite, non. Dans un sens. Non, d'ailleurs la retraite c'est une chose qui... Enfin, on pourrait jaser longtemps sur la retraite. Bon, celui qui veut prendre sa retraite peut la prendre, mais celui qui ne veut pas la prendre, quand on le met à la retraite, c'est réellement, on le met au rencard. Alors on devrait immédiatement le mettre dans un cercueil, ce serait aussi rapide. Bon, ce serait moins souffrant pour la personne. Alors là, on appelle ça l'âge d'or, parce que d'or est déjà les oubliés. Bon. Le vieillissement lui-même, bon, est-ce qu'il est programmé au niveau génétique? Est-ce que la cellule est programmée? Si la cellule est programmée pour vieillir à un moment donné, quelle est la chronologie, quelle est la chronométrie qui permet à la cellule de décider à un moment donné qu'elle va transformer son schéma génétique, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus se reproduire intégralement, mais qu'elle va maintenant créer? Elle va créer des cellules pires. Elle va donc opérer une forme de mutation au niveau de la qualité pour que lentement la peau crée des cellules de plus en plus débiles. Qui ou qu'est-ce qui règle la chronométrie? Quand commencez-vous à avoir un corps qui vieillit? Je ne parle pas d'un corps qui mature, je parle d'un corps qui vieillit. Donc un corps qui ne mature plus et qui n'a plus non plus la faculté de maintenir la qualité de la vie des cellules. Qu'est-ce qui détermine cela? Alors, on peut évidemment s'imaginer que par notre alimentation, il y a des choses qu'on ingère qui ont besoin de tellement d'énergie vitale pour être assimilées qu'ils les épuisent le corps physique, ce qui va amener à un vieillissement prématuré du système digestif, entre autres. Ça peut être une chose. On peut aussi, et on a remarqué scientifiquement, que la personne qui avait beaucoup, beaucoup de relations sexuelles vieillissait prématurément, au niveau du mâle surtout. Donc, il jette la vie à l'extérieur lorsqu'il éjacule. On a inventé différentes techniques pour permettre l'extase sans éjaculation de façon à conserver la vie et on a eu des problèmes au niveau mental. Bon. Et plus qu'il faut. Alors, en fin de compte, il y a une chronométrie, mais la chronométrie, elle n'est pas cellulaire, elle est astrale, elle est psychologique. Il y a une chronométrie, la cellule n'est pas préprogrammée à se perdre. Il y a une chronométrie qui est astrale chez l'être humain qui possède un âme. Maintenant, on peut parler aussi des plantes. Les plantes ont un corps astral hypo-développé. Les animaux ont un corps astral un peu plus développé et ont une chronométrie qui sera plus rapide. Une chose qu'il faut considérer, c'est tout ce qui est assujetti à une chronométrie vitale, donc à une chronométrie naturelle, tout ce qui est assujetti à devoir prendre son énergie à l'échelle même de la planète au niveau du plan vital. Alors, si l'on parle au niveau d'acupuncture, on parle d'énergie yin, d'énergie yang. Yang étant solaire filtré par notre planète, donc qui étant terrestre de toute façon, et yin tout à fait tellurique. Alors, si tout ce qui reste assujetti à la vitalité de notre planète est régi par la chronométrie de la planète. Les Amérindiens disaient que la mer, la terre, leur prêtait la vie. Et lorsque la mère, la terre reprenait la vie, le corps s'en allait et l'esprit retournait vers le Père, le ciel. Effectivement, ce qui dirige, ce qui chronomètre la vie chez l'homme, c'est son assujettissement à la quantité d'énergie vitale donnée par la planète. Plus l'être humain a besoin d'énergie vitale, plus l'être humain vieillit. Pour la simple raison que la planète ne peut pas donner plus. Plus il y a d'humains, plus il y a de pollution, plus il y a ceci, plus il y a cela, plus la chronométrie de vieillissement commence à opérer avant terme. Dans les pays industrialisés, on vit plus longtemps, pour la simple raison qu'on est régi par moins de dépenses physiques. On prend un bulldozer pour faire un chemin, on ne travaille pas au pic et à la pelle. On prend une moissonneuse-batteuse pour récolter, on ne prend pas des individus qui passent leur vie dans un champ au soleil à récolter. Par contre, les individus vivent plus longtemps physiquement, vieillissent au même rythme, mais ne meurent pas. On vieillit à peu près au même âge qu'on vieillissait avant, mais on ne meurt plus au même âge qu'on mourait avant. Il y a donc une probabilité de continuer la vie dans un corps vieilli, sauf qu'on doit évidemment pallier à un manque d'énergie vitale, à un manque de fonctionnement structurel par des médicaments, par des machines, par de plus en plus de structures, par de plus en plus de facilités, parce qu'en fin de compte, l'être humain vieillit, vit plus longtemps, mais vit de moins en moins bien. Si nous voulons aborder le vieillissement par rapport à l'intelligence cosmique, pourquoi l'être humain est-il régi par une vitalité planétaire? Pourquoi l'être humain est-il régi par une dose d'énergie vitale qu'on lui donne à petit feu? L'énergie vitale, on l'inspire. On l'inspire à la condition qu'on soit capable de capter l'énergie vitale par la respiration, et ça, ça se capte exclusivement par le nez, dans trois régions particulières du nez qui ont la faculté de capter trois énergies différentes, deux d'inspiration et d'une d'expiration. Alors, on a l'énergie yang et yin, qui sont des énergies extérieures qu'on prend dans l'air, qui vont former le système méridial au niveau du corps cutané, les méridiens d'acupuncture. Et on a une énergie hominale qu'on peut capter lors de l'expiration, une énergie qui n'est pas connue au niveau de l'acupuncture. En mangeant, on capte de l'énergie vitale, à la condition qu'on mange des choses vivantes, donc des légumes, des fruits, des choses qui peuvent mûrir. Mais on doit mastiquer pour la simple raison que les capteurs d'énergie sont au niveau de la bouche et non pas au niveau du système digestif, qui, ce système, a pour fonction unique d'assimiler les vitamines, les protéines, les minéraux, mais pas l'énergie. Il attaque, il agresse, il digère. Alors, lorsque nous mangeons, nous devons saliver, nous devons... Pourquoi saliver? Lorsqu'on, par exemple, on boit des jus, on doit mastiquer les jus. Tous ceux qui, à un moment donné, s'achètent un extracteur à jus de qualité peuvent lire dans leur livre qu'ils doivent absolument mastiquer le jus, c'est-à-dire mêler le jus de salive. Sinon, la science a découvert que ça ne donne pas le même résultat. Pour la simple raison que la salive étant de l'eau, elle est extrêmement captrice d'énergie vitale. Et lorsque l'on boit du jus, on doit effectivement le mastiquer, donc on ne doit pas boire un verre d'une traite pour pouvoir absorber cette énergie vitale. Mais là, c'est ça qui est le problème, c'est que l'homme absorbe l'énergie vitale par l'alimentation, qu'elle soit aérienne ou qu'elle soit matérielle, donc par la respiration et par l'alimentation. Très peu cutanée. Un peu. Ne pouvant absorber plus d'énergie vitale que par ce processus, s'il en dépense plus, il vieillit. Plus l'être humain vieillit, plus l'être humain accumule des mémoires, plus l'être humain accumule de l'expérience. Plus l'être humain vit des émotions d'insécurité. Plus l'être humain vit des émotions d'insécurité parce qu'il refuse de connaître le neuf, parce qu'il a trop de connu à l'intérieur de lui, plus il a besoin d'énergie vitale pour pouvoir nourrir sa mémoire. Plus il puise de l'énergie vitale dans son corps vital, ce qui maintient la santé, pour pouvoir nourrir ses mémoires, plus son corps vital est hypothéqué au niveau énergétique. Alors lentement, les cellules n'ont simplement plus assez d'énergie pour pouvoir se rappeler. Le code génétique finit par être oublié. Il est toujours là, mais on ne l'applique pas convenablement. La cellule n'a pas l'énergie. Alors la cellule, normalement, lorsqu'elle se divise, elle se divise en deux, et il y a les deux cellules filles qui naissent sont identiques à la cellule mère, mais plus petites. Et lentement, ça va grossir. Au niveau du corps de l'homme, il vient un temps où la cellule mère se divise et divise en même temps son énergie vitale, donc les deux cellules sont plus faibles. Plus l'être humain hypothèque son corps physique en énergie vitale, c'est-à-dire que moins l'humain mange bien, moins l'humain respire bien et plus l'humain vit de l'émotion, plus il va vieillir. L'assujettissement au plan vital de notre planète oblige l'humain à devoir s'alimenter par la bouche et par le nez pour pouvoir capter l'énergie vitale. Tandis que lorsque l'être humain arrive à être connecté à une autre source d'énergie vitale que l'énergie tellurique ou solaire de notre planète, l'humain n'est plus nécessairement régi par la captation d'énergie vitale par l'alimentation ou la respiration. Lorsque l'être humain entre en contact avec l'énergie supramentale, cette énergie supramentale, c'est de l'énergie éthérique non terrestrifiée. Lorsque l'humain entre en contact avec ce plan éthérique, il est capable, à un moment donné, de transmuer cet éthérique extraterrestre, donc cet éthérique extraplanétaire, en éthérique planétaire, donc en énergie vitale, ce qui automatiquement stoppe totalement son processus de vieillissement physique, tant qu'il y a intelligence à le stopper. Ça peut même le rajeunir, pour la simple raison que l'être humain n'a plus besoin de prendre d'énergie vitale dans des aliments, donc il n'a pas besoin de manger comme un cochon pour avoir une dose d'énergie vitale suffisante pour l'empêcher de vieillir. S'il mange comme un cochon, le problème, c'est qu'il donne du travail supplémentaire à tout son système d'excrétion et d'assimilation. Et pour que ce système fonctionne, il doit brûler de l'énergie vitale. Plus tu manges, plus tu absorbes d'énergie vitale. Et plus tu manges, plus tu dois en gaspiller pour digérer. Alors, il vient un temps où l'être humain doit manger juste ce qu'il faut. Et pas trop peu. Et ça complique les choses. Surtout que dans nos sociétés, on mange pour nourrir notre psychologie. Et c'est dans tous les termes du mot, c'est un fait. Tu manges des choses qui te plaisent parce qu'elles sont plus assimilables par ton âme au niveau vital, donc nourrissent beaucoup plus ta psychologie, lui permettant de conserver des mémoires, lui permettant d'exprimer des émotions. Alors l'être humain nourrit sa psychologie. La personne qui aime la pomme, émotivement parlant, la pomme permet une attraction de l'amour entre sa psychologie et l'énergie vitale de la pomme. Lorsque la personne mange la pomme, l'astral, son âme, peut capter l'énergie vitale de la pomme pour s'en nourrir. Mais l'énergie vitale de la pomme ne nourrit pas le corps physique. Le vieillissement, ça c'est le processus mécanique du vieillissement. Maintenant, cosmiquement, pourquoi l'être humain est-il assujetti au plan vital? Pourquoi l'être humain doit vieillir? C'est intelligent, le vieillissement. Le vieillissement, c'est l'expérience que vit l'ego du fait que lui n'a pas le contrôle. Le vieillissement, c'est l'expérience que vit l'ego de l'homme, de la femme, que ce n'est pas lui, l'ego, qui est le maître de l'évolution. Autrement dit, dans la majorité des cas, ce n'est pas vous qui êtes le boss. L'humain étant extrêmement orgueilleux et l'orgueil s'exprimant de façon extrêmement subtile dans presque toutes les sphères de l'expression psychologique de l'homme, il vient un temps où l'homme se prend au sérieux et où l'homme se croit important par rapport à ce qu'il perçoit de lui. Alors automatiquement, lorsque ce mécanisme arrive, l'humain ne veut pas mourir. Tout ce qui est régi par la vitalité de notre planète se doit de mourir pour pouvoir permettre la procréation, l'accumulation d'améliorations adaptatives au niveau de l'échelon zoologique, biologique, végétal de notre planète. Sauf pour l'homme. Je m'explique un peu plus clairement. Les plantes doivent mourir pour laisser d'autres plantes pousser et c'est la seule façon qu'a la plante de pouvoir s'adapter aux changements écologiques de notre planète. Si une époque glaciaire tend à s'instaurer, les plantes mourant, renaissant, mourant, par l'évolution adaptative, transmissible par la génétique, permettent une adaptation au niveau des plantes qui vont donc être capables de pouvoir supporter l'ère glaciaire. Les animaux ont le même phénomène. L'animal meurt non pas parce qu'il a une évolution. L'animal n'évolue pas. L'animal évolue par adaptation, mais il n'évolue pas par amélioration. L'humain s'améliore, l'animal s'adapte. L'homme des cavernes s'adaptait avec un peu d'amélioration. Aujourd'hui, on s'améliore, mais on s'adapte de moins en moins. L'animal doit mourir pour pouvoir permettre à un autre de pouvoir vivre une expérience dans un corps plus neuf. Et à force de mourir, on crée une adaptabilité génétique. On sait ce que Darwin appelait l'évolution, qui permet donc à l'animal de pouvoir maintenant vivre dans une écologie planétaire, dans une planétologie nouvelle, dans un système planétaire nouveau, adapté. Depuis l'apparition des animaux sur notre Terre il y a quelques millions d'années, il faut croire, évidemment, on peut constater que la planète, elle a évolué à la surface. Et les animaux ne pouvaient s'adapter que par mortalité, naissance. C'est pourquoi les animaux meurent et les plantes meurent. Mais l'être humain, oui. On peut dire à ce moment-là que ça permet aux espèces de traverser la durée dans le temps. Ça lui permet d'évoluer, mais pas par espèce, mais individuellement, on ne peut pas parler d'immortalité ou de... Non, l'espèce, le règne continue. Mais si on regarde toutes les traditions, à l'origine, on fait toujours référence à des personnages qui ont vécu 500, 600, 700, 800 ans. Plus on remonte dans le temps, plus les gens vivaient âgés. Oui. Est-ce que c'est une allusion à nos créateurs, si on a une version Elohim de la Bible, si nos créateurs, ceux qui nous ont créés dans ce laboratoire-là, est-ce que ça veut dire qu'eux autres avaient atteint une forme d'immortalité, qu'ils nous ont créés à leur image, sauf dans cet aspect immortel, puisqu'on est assujetti au temps et qu'ils ne l'étaient pas, eux autres? Est-ce que c'est ça qu'ils essaient de nous dire au travers de la Bible? Non, ça veut dire que là, tu parles d'une tradition qui est quand même un peu philosophique. Je parle de la Bible, tout simplement, de l'Ancien Testament. C'est ça. Les Elohim, dont tu parles de laboratoire, lorsqu'ils nous ont créés, ces choses-là, on n'a pas été créés par les Elohim tels qu'on peut le concevoir, disons, dans certains mouvements. Je prends le terme Elohim, du pluriel de Dieu, les dieux dans l'Éden qui nous créèrent à leur image. Bon, premièrement, les entités de l'époque, donc les Moïse et les autres, ont pu vivre plus longtemps que la masse normale. Et si l'on nomme l'âge de Moïse, c'est parce que son âge avait une importance. Cela veut donc dire que son âge le marginalisait de la masse, parce que sinon on n'aurait pas nommé son âge, tout le monde aurait vécu 900 ans. N'est-ce pas? Bon, si on nomme l'âge de certains patriarches bibliques, c'est parce qu'ils vivaient plus longtemps que la masse. Et ils vivaient plus longtemps que la masse parce qu'ils étaient en contact intime, pour la grande majorité, avec une énergie supramentale, non pas tout à fait supramentale, mais qui tient de l'éthérique et qui porte le nom biblique et le nom ésotérique et alchimique de Melchisédek, qui était donc un catalyseur énergétique qui leur permettait de pouvoir... Certains de ces patriarches sont morts, sont revenus, tout en se rappelant de ce qu'ils étaient, donc restaient les mêmes, un peu comme nous, Lama tibétain. Et la majorité ont simplement eu un corps qui leur a permis de vivre plus longtemps. Comme ça, tu n'accrédites pas la thèse qui veut, comme d'après le livre d'Enoch, que ceux qui ont vécu si longtemps, là, ou ceux qui furent fameux dans les temps, ceux qu'on a appelés les titans, étaient les descendants par croisement génétique de ces dieux-là avec les filles des hommes. Oui. Bon, les titans ne font pas partie des pères d'Abraham. Les titans font partie d'un mélange de races d'humains, et on a eu différentes humanités, différentes ères de races mères, qui ont couvert l'humanité à travers ces races mères, à travers ces sous-races de certaines de ces races mères-là. On a eu des géants. On a eu des géants qui avaient la possibilité de vivre extrêmement longtemps parce qu'ils étaient amélioratifs, mais presque anégoïsés. On peut parler évidemment des cyclopes de l'Atlantide. On peut parler de d'autres sous-races de la race lémurienne qui ont permis la menée, disons, de prototypes d'idées, de spéculations philosophiques sur certaines formes de choses. Si on regarde l'île de Pâques, eux autres reproduisent justement des particularités raciales d'une sous-race d'une race mère qui est un mélange génétique entre la race lémurienne et la race des cyclopes atlantéennes. Bon, il y a eu une guerre entre l'Atlantide et les vestiges de Mu. La dernière partie de Mu qui est restée à la surface a été l'île de Pâques et en l'honneur de ces mélanges, de ces dieux. Mais Dieu, c'est quoi Dieu à l'époque? Les dieux de l'époque où tu me parles sont des dieux qui sont craints, sont des dieux de guerre, des dieux de vengeance, donc des géants qui écrasent le monde. Et c'est ce qu'il y avait à l'époque aussi. Donc, tout ce qui était extrêmement imposant astralement, ce qui imprimait dans la forme psychologique de l'ego de l'humain de l'époque, quelque chose de fracassant était automatiquement divinisé, donc c'était un dieu. Même un grand chef qui avait un pouvoir, un grand chef qui pouvait battre plus de vaillants guerriers, on le catapultait facilement dans le ciel des dieux. L'énergie vitale, même l'humain et l'humain animal, parce que l'humain, premièrement, l'humain n'est pas animal, mais le corps dans lequel l'humain est venu s'installer à un moment donné, le corps est animal. Aujourd'hui, le corps de l'homme n'a plus rien à voir avec l'animalité de sa source, donc de des hommes des cavernes et même un peu avant. L'être humain n'est pas généré, l'être humain ne vient pas d'animal qui ont été antiquement créés sur le plan planétaire. L'être humain ne descend pas du singe, le singe descend peut-être de l'arbre, mais l'humain ne descend pas du singe. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'humain évolue, l'humain a un ego. Lorsque l'ego veut s'exprimer, il développe une personnalité et cette personnalité est ce que j'appelle l'orgueil. Lorsque l'humain entre en contact avec une énergie qui n'est plus vitalisée par le plan terrestre, lorsque le plan planétaire ne règle plus la chronométrie de l'évolution biologique de l'homme, alors l'homme ne vieillit plus. Ce que je veux dire, c'est que présentement, le problème, c'est que le corps physique de l'humain a été permis, constitué par les minéraux de notre planète, par toute la forme évolutive animale de notre planète. Donc, automatiquement, le corps de l'homme est régi par la chronométrie vitale de notre planète, ce que l'être humain appelle la nature, comme l'animal. Sauf qu'à l'intérieur de cet animal humain, il y a l'homme. L'homme qui est esprit, mais l'esprit n'est pas humanisé pour l'instant, l'homme qui est présentement égoïsé. Et il y a cet homme qui, lui, évolue différemment de son corps physique. Lui, évolue par amélioration, donc par conscientisation ou par compréhension. Il évolue par vibration, tandis qu'il est toujours régi par un corps physique qui, lui, évolue par adaptation. Alors donc, lorsque l'être humain reste dans un corps physique tout à fait assujetti aux lois de la nature, tandis que ce qui habite le corps de l'homme est assujetti aux lois de l'évolution, et l'ego sait, mais l'ego sait inconsciemment que lorsque le corps meurt, que l'ego meurt. L'ego va dans le monde des morts. Mais l'ego essaie de plagier. Alors, automatiquement, l'humain a donc cette consonance, lorsque l'humain devient suffisamment vibratoire, cette idéologie chez lui qui va naître de ne pas mourir ou de vivre après la mort. Mais c'est la même chose, de ne pas mourir. De vivre au-delà du corps. Alors l'homme prend donc conscience à ce moment donné, lorsqu'il parle de ciel ou de réincarnation, que lui et le corps sont deux. Que lui est régi par quelque chose et que le corps est régi par d'autres choses. Et vu que l'être humain égoïsé ne sait pas, il croit et il espère que sa croyance est vraie, que lui n'est pas régi par la même loi que le corps physique. Bref, qu'il ne mourra pas lorsque le corps va mourir. Pourquoi l'humain a-t-il ce feeling que le corps physique peut mourir, mais que lui va rester? C'est parce que l'ego, l'âme, plagie un monde espritisé, donc un monde de l'esprit, qui, lui, effectivement, n'est pas régi par la vitalité chronométrisée du plan terrestre. Alors donc, au niveau de ton esprit, toi, moi et tout le monde, nous ne sommes pas assujettis à la mutation adaptative de l'évolution vitale de notre planète Terre. On est extraterrestre, si on peut dire, au niveau de notre esprit. Bon, OK. Alors, tu emploies souvent les mots chronologie ou chronométrie. Alors, c'est intéressant parce que la racine, c'est Chronos. Et Chronos, c'est Saturne, le dieu du temps. Et Saturne, c'est Satan. Donc, ça veut dire que nous autres, on est prisonniers du temps, que le prince de ce monde-là, c'est Satan, que c'est la raison pour laquelle on est obligé de vieillir et de mourir, finalement, parce qu'on est assujetti au temps. Tu disais tout à l'heure que c'est pas l'homme qui run sa vie, c'est autre chose. C'est parce qu'il est dans ce monde du temps-là. Maintenant, tu parles d'une autre possibilité d'échapper à ce temps-là. On regarde aussi toutes les traditions, on nous parle des éléments terre, de l'air et de l'eau. Bon, il y a des habitants dans ces trois éléments, dans la terre, l'air et l'eau, mais est-ce que dans le feu, qu'il y a des habitants possibles? Est-ce que, par exemple, dans le soleil, il pourrait y avoir une forme de vie qui serait proche de celle du feu, de cette dimension-là, puis qui n'aurait plus cette contingence du temps, justement? Bon, premièrement, disons qu'on va se limiter à comprendre le feu par tout ce qui est au-delà de la matière au niveau du plan énergétique. Que ce soit le soleil, que ce soit... La lumière. Bon, la lumière, c'est peut-être encore mieux que le soleil. Maintenant, c'est évident que c'est difficile pour l'être humain normal de concevoir qu'on peut vivre, qu'il y a des êtres lumineux qui vivent dans la lumière. Mais effectivement, il y a des êtres qui vivent dans l'eau. Alors, si l'être humain ne connaîtrait pas le poisson, il dirait, on vit dans l'eau. Essaye, rentre-toi la tête dans l'eau, tu vas voir si tu peux vivre dans l'eau. Après une heure, tu respires par le nombril. Bon, tu n'as qu'à essayer. Si tu offres une heure de temps, ton nombril va commencer à respirer. Si on dit qu'il y a des animaux, effectivement, qui vivent dans l'air, qui peuvent voler, si l'humain ne connaît pas l'oiseau ou les insectes, l'humain va encore astiner dur comme fer, que c'est tout à fait impossible. Saute en bas d'un bâtisse, on va voir si ça vit dans l'air. Ça vit un bout de temps, mais après ça vit pas mal creux dans la terre. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si on parle aussi d'êtres qui vivent au niveau du plan lumineux, là, l'humain ne peut pas le percevoir non plus. Bon. Il y a des mondes parallèles aussi. Au-delà de la lumière, il y a des mondes parallèles qui font partie, disons, pour l'instant, du monde du feu aussi. Il y a effectivement, l'être humain au niveau de l'esprit n'est pas régi ni par l'eau, ni par la terre, ni par l'air. Il est régi par le feu. Et par le feu, il faut s'entendre, je ne parle pas évidemment du feu qui consomme la matière. On parle d'une énergie similaire, la lumière. Le feu dégage de la lumière, il dégage de la chaleur, mais la lumière, elle est plus haute que la chaleur. Alors, je ne parle donc pas du soleil en ce sens, je ne parle pas des foyers irradiants de chaleur. Ce sont des symboles qu'on nous a laissés. Exactement, c'est ça. Et je préfère donc préciser un petit peu, mais on parle de lumière. La lumière, ce n'est jamais chaud. La chaleur peut dégager de la lumière, mais la lumière, elle, n'est pas chaude. La lumière n'est pas froide, la lumière n'est pas températisable. On peut pas mesurer la température. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain lui-même est une entité qui est espritisée et il vit dans une entité tout à fait terrestrifiée. Tu parlais de Satan, c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais effectivement, tout ce que tu as dit est d'une consonance ésotérique tout à fait réelle. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'être humain, lui, vit dans un monde qui est régi par le plan temporalisé matériel, donc un plan extrêmement dense, qui lui permet donc de se couper, ça prend un certain temps avant que les cellules refassent la chose, qui lui permet aussi de pouvoir vivre plus solidement dans la matière, donc connaître des événements qu'au-delà de la matière, on ne peut pas connaître, comme les souffrances, comme la majorité de toutes les sensations perceptibles par les sens de l'homme. Pourquoi? Parce que le tactile, il faut être matériel pour le goûter. L'olfactif, faut être matériel. L'auditif, faut être matériel. Alors, si on regarde tout cela, il faut être matériel. Et même le plan lumineux, pour pouvoir le voir comme l'être humain le voit, il faut être matériel. Il faut avoir des yeux. Au-delà, si je suis lumineux, je ne peux pas voir la lumière. Et je ne peux pas voir non plus les plans inférieurs. L'esprit ne peut donc pas connaître l'évolution de notre planète. Pour connaître l'évolution de notre planète, l'esprit doit créer des mécanismes, disons, intermédiaires, des médiums, Parce qu'il n'est pas assujetti au temps, lui. Il échappe à la contingence du temps. Exactement. Okay. Et le problème, c'est que chaque fois qu'une entité spiritisée descend à l'échelle de notre planète, il doit donc baisser en vibration. Baissant en vibration, il perd la conscience qu'il avait, donc il perd le savoir qu'il avait. Alors, lorsqu'il baisse en vibration, il devient terrestrifié, comme un humain, et là, il se pose la question, vous dites, c'est que je viens? Parce que l'homme finit par s'identifier aux corps, justement, qui sont périssables. Il ne se rappelle plus de l'esprit. Il ne peut pas s'en rappeler parce que, vu exactement comme si, est-ce que la vapeur d'eau se rappelle de son état lorsqu'elle est de la glace? Absolument pas. Elle va dire, je suis de la glace. Mais c'est ce que l'humain se dit, je suis humain. Et c'est pour ça qu'il tombe complètement dans la programmation à la fois de la matière et du temps. Exactement. Et qui vieillit et qui meurt. Il n'a pas le choix parce qu'il s'identifie à la matière. La matière étant créée par la friction du temps et de l'espace, automatiquement, il voit bien une mutation. Il voit une transformation et lui, mémorisant le fait de ce qu'il a été, voit automatiquement la nuance. Alors, évidemment, il reste pris dans ce jeu du futur, du passé et du présent presque inexistentiel. Donc, il est régi par un temps. Maintenant, c'est que le temps psychologique est une illusion. Le temps de la matière est une apparence réelle. Sauf que le temps de la matière ne peut être perceptible que dans l'instant immédiat. On ne peut pas percevoir le passé de la matière. On ne peut percevoir que le présent de la matière. Alors, le temps de la matière n'existe pas en comme tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur ou de passé à la matière. Par contre, il y a une transposition moléculaire, il y a une transformation. Et c'est par rapport à la perception de la transformation de la matière que l'homme entrevoit l'idée du temps. Maintenant, l'homme parle donc d'évolution. L'humain qui descend, donc l'esprit qui tend à descendre chez l'humain, perd tout à fait l'idée d'où il vient. Étant dans la matière, il observe la matière et il se dit « je suis matière ». Maintenant, il reste chez lui une consonance vibratoire mémorielle. Il reste chez lui une possibilité de se relier à ce qui n'a pas encore été terrestrifié, donc au niveau de la sphère périphérique du ciel, où vont être greffés les archétypes, par exemple. Il reste chez lui la possibilité de se connecter là. Et là, il va pouvoir dire « je suis immortel », ou « j'ai été où je vais être », ou « il y a un Dieu ». Il peut parler de choses qui ne sont pas existentielles et qui ne sont pas exprimées à l'échelle de la matière, mais que l'être humain arrive à percevoir sans jamais rien comprendre. Sa source. C'est sa source. Mais ça, il ne le sait pas. Il pense qu'il a été créé. L'homme, l'être humain, ne sait pas s'il s'est créé ou s'il a été créé. Alors, il invente un scénario. Évidemment, pour pouvoir se rassurer à l'intérieur du monde, tout à fait imbécile dans lequel il est. Imbécile par rapport à sa conscience. Maintenant, ce qui arrive, c'est que plus l'humain évolue, plus l'humain découvre cette idée de l'esprit. Alors, plus l'humanité va évoluer, plus l'humanité va découvrir la vieillesse. Mais pour ça, il faut qu'ils sortent de l'illusion de la matière dans laquelle ils les ont emprisonnés. Pas encore. Pas au stade où j'en parle, mais ça vient à un moment donné. Mais pour avoir ce contact ou cette reconnaissance de l'esprit, il faut qu'ils sortent de... Il faut qu'ils arrachent les voiles. Oui, d'accord. Mais au niveau où j'en parle, il aperçoit plus. Mais il n'a pas le contact total, il n'a pas la vision réelle. Bon. Mais progressivement, il y a des voiles à déchirer. S'il a le contact réel, il est tout à fait sorti de l'emprise de la matière, ça va de soi. On ne peut pas être un ou l'autre. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'humain est un être ascendant, donc évolutif. Tandis que Dieu ou les énergies intelligentes sont des êtres ou des énergies involutives, descendantes. Plus Dieu tend à se rapprocher de l'homme, plus Dieu évolue, plus devient niaiseux. Plus l'homme tend à se rapprocher de Dieu, plus il évolue, plus devient brillant. Bon. Maintenant, il vient niaiseux par rapport à ce qu'il était, il vient brillant par rapport à ce qu'il était. L'un est ascendant, l'autre est descendant. Il y a un contact à un moment donné. Et brillant ou niaiseux, ce sont juste des différences de taux vibratoire. Évidemment. Okay. Évidemment, parce que niaiseux, ça n'existait pas, mais brillant okay. Non plus. Bon. Psychologiquement, ça ne veut rien dire. Ça fait frémir l'ego un peu. Là. Bon. Ça frémissait. Alors voilà. Alors ce qui arrive, c'est que l'être humain... plus quand il commence, plus il se conscientise. Alors, dans le contexte mental où on est, on a un degré vibratoire qui nous permet de goûter à des choses plus claires, mais sans que tout soit clair. On ne goûte pas à tout, on goûte un peu. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être humain a donc de plus en plus l'idée ou la peur de mourir, ou l'idée de vivre après la mort. Dans les pays sous-développés, jamais on ne pense d'allonger la vie. Dans les pays développés, alors là, oui, on pense d'allonger la vie. Parce qu'on a l'idée, merde, qu'à un moment donné, on devrait... Il y a des choses qui ne sont pas correctes lorsqu'on en meurt. Et il y a des choses qui devraient se faire si on reste vivant. Le problème, c'est que tant que l'humain reste assujetti à l'identification matérielle, c'est qu'il a besoin d'un corps de chair pour se sentir bien. Alors, il veut devenir immortel avec le corps de chair. Mais le corps de chair reste assujetti au plan de la chronométrie matérielle, vitale, terrestre, naturelle. Alors, le corps de chair, lui, n'a pas le choix, il ne peut pas suivre le désir de l'ego. Ou l'évolution de l'ego mentalisé-supramentalisé. Il est comme un grain de blé qui tombe dans le sol puis qui refuse de mourir pour laisser germer une tige de exactement. Blé. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Alors, ce qui va arriver, c'est que plus l'être humain se conscientise, l'être humain arrive à créer, au niveau de son plan matériel, une énergie vibratoire qui le met en relation, et ça, c'est le mental, donc ce qui est un peu supérieur à l'intellect. Le mental supérieur, disons, si on veut parler de l'intellect comme étant le niveau mental. Et ce mental énergisant arrive à une consonance vibratoire qui lui permet d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, donc au-delà du mental. Et cette énergie supramentale qui est la, disons, la plus basse expression de ce que l'humain pourrait appeler Dieu s'il veut parler de l'univers au complet. C'est le plus bas du plus haut. C'est le plus bas du plus haut, c'est ça. Donc la partie niaiseuse de la partie brillante. C'est ça. C'est les pieds de Dieu. Alors ça, c'est un peu mauvais. C'est la tête de l'homme. Et la tête de l'homme se rend là, c'est en plein ça. Alors l'homme essaie de mordre les orteils, manger coup de pied, c'est l'initiation de la conscientisation, ça fait mal. Plus l'humain évolue, donc pour aller rejoindre cette chose-là, plus l'humain découvre qu'il est nuit par le corps physique. Le corps devient malade. Il y a perte de mémoire. Il y a des tremblements, manque de sommeil. Il y a des montées de chaleur. Il y a des tachycardies, d'accélération cardiaque. Il y a des points au cœur sans pathologie coronarienne. C'est pas détectable sur un électroencéphalogramme. Il y a des maladies cutanées. Plus l'humain va se conscientiser, à un moment donné, il y a comme des maladies tout à fait aberrantes, aberrées, stupides, imbéciles qui commencent à apparaître. C'est pour ça que les anciens disaient que Chronos finissait toujours par dévorer ses enfants. Le temps finissait toujours par avoir le dessus. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que plus l'être humain se conscientise, plus des maladies niaiseuses apparaissent? Pour la simple raison que le mental de l'homme, pour pouvoir être énergisé, pour pouvoir entrer en relation avec l'énergie supramentale, a besoin d'énergie vitale, a besoin d'énergie. Ne pouvant prendre énergie dans le ciel, dans les cieux, donc au niveau spiritisé, il le prend dans son corps vital. Ce qui fait que plus l'humain vit cette angoisse de la conscientisation, cette angoisse de l'évolution, ou cette angoisse spirituelle, dépendant du niveau où il est placé, mais surtout au niveau conscientisation mentale ou supramentale, lorsque l'humain vit cela, il hypothèque son corps physique pour pouvoir énergiser mentalement de façon à aller à ce contact, à comprendre. Alors, il devient malade physiquement. Pourquoi on vieillit? Est-ce qu'on pourrait dire à la rigueur qu'on meurt d'émotion, finalement? Pas la rigueur, on meurt d'émotion. On meurt d'émotion. Autrement dit... Chaque fois que je dis à l'homme ancien que ce qui le tue, ce qui l'emmerde, ce qui le fait chier, ce qui le n'importe quoi, c'est son plan émotif, alors il vient tout émotivé, là il m'engueule. Bon, prenons une personne qui se conscientise et puis qui voit de plus en plus clair dans tout ceci, puis qui le met en application et qui enlève de plus en plus qui arrache le pouvoir de l'émotion sur sa vie, là, qui commence donc à se désastraliser. Il y a des gens comme ça à qui ça arrive, ils n'ont plus le goût des parties qu'ils vivaient avant, des soirées avec les amis, de la discothèque et tout ça. Ils ont plus de goût astral, émotif. Et puis ces gens-là vivent une espèce de fatigue énorme. Ils n'ont pas beaucoup d'énergie, ils n'ont pas de vitalité. Est-ce que ça veut dire que l'émotion, si on meurt de cette émotion-là, d'un autre côté, tant qu'elle gère notre vie, c'est elle qui nous pousse, qui nous dynamise ou qui fait qu'on a de la vitalité dans le fond? Bon. Parce que si tu l'enlèves, l'émotion, les gens tombent. L'être humain qui a un plan astralisé, donc un plan émotif, qui n'a pas su créer, régir, bâtir un corps mental et qui n'a pas su permettre la vie, donc la maturation de ce corps mental, s'il s'en égoïse trop rapidement, il sera tout à fait... Pour la simple raison que le corps mental, l'ego, est ce qui présentement veut vivre. Voulant vivre, il a donc la faculté de puiser l'énergie des autres. Il a la faculté de manger les choses, il a la faculté donc d'entretenir plus ou moins le corps physique de façon à ce que le véhicule physique lui permette toujours d'avoir la conscience de son existence. Si le corps mental est suffisamment développé, un contact avec l'ajusteur de pensée se fait, donc à un moment donné avec le plan supramental, donc avec le savoir instantané. Et ce qui va arriver, c'est que si la personne s'en égoïse à ce moment donné, il n'y a pas de perte d'énergie, elle devient humble tout en étant de mieux en mieux. Donc, elle rajeunit. Maintenant, une chose est très importante, c'est que si la personne rajeunit ou cesse de vieillir, ça ne l'empêchera pas de mourir. Parce que la mort n'est pas la terminaison normale de la vieillesse. La mort est la terminaison normale de la vie. Mais l'humain devrait vivre mature et rester tel quel jusqu'à sa mort. Il ne devrait pas vieillir avant la mort. Et ça, pour faire une nuance majeure entre les deux, on ne meurt pas de vieillesse. On meurt parce que le corps physique, maintenant, est suffisant. Il y a deux raisons pour qu'on va mourir, et je vais expliquer les deux. Mais on ne meurt jamais de vieillesse. Une personne jeune, à un moment donné, meurt. Elle peut mourir d'un problème cardiaque, elle peut mourir d'une maladie, mais elle ne mourra pas de vieillesse. Et on ne meurt jamais de vieillesse. Pourquoi une personne meurt de vieillesse? La personne, elle est en santé, elle a 92 ans ou 113 ans, elle est en santé. Et elle se couche et elle se réveille morte. Bon. Façon de parler. Oui. Mais elle n'avait rien. Alors elle est morte. Pourquoi elle est morte? Elle n'était pas malade. Et oui, elle est morte parce qu'elle est morte. La mort n'est pas la finalité du vieillissement. La mort est la finalité de la vie. On ne meurt jamais de vieillesse. Rentrez-vous ça ici à un moment donné, mais on ne meurt pas de vieillesse. On devrait vivre tel qu'on est, en santé, jusqu'à temps que deux choses. Ou bien on n'a plus besoin du corps physique, ou bien on a suffisamment d'ego que les énergies qui manipulent tout le monde des morts viennent s'incarnément chercher l'âme. Lorsque l'âme est récupérée, évidemment, le corps physique n'a plus de raison logique, intelligente, vitale ou belzébucienne de vivre. Alors, automatiquement, l'énergie vitale est retirée et le corps physique se désagrège. Lorsque l'humain accumule de l'expérience dans son ego, il a de l'importance. L'humain, égoïquement, et ça, c'est relativement bête à dire, enfin, bête à entendre plutôt, c'est que l'être humain sert de mécanisme pour nourrir. L'être humain est un générateur de nourriture. L'être humain exprime de l'émotion pour nourrir Chronos, Satan. L'être humain est un générateur d'émotion pour nourrir les entités qui sont relativement sataniques à l'échelle de notre planète et pour nourrir le monde des morts. L'être humain est un générateur de nourriture pour nourrir les égrégores spirituels, les ciels, les religions, les fois, les moralités, les nations, ces choses-là. L'être humain est un générateur de nourriture pour nourrir les mémoires, les traditions, donc le passé. L'être humain est un générateur de nourriture pour nourrir ce qui s'est passé, pour nourrir ce qui a été, donc pour nourrir toujours le monde des morts. C'est la vache à lait du monde des morts. Oui. Maintenant, pour nourrir convenablement, l'être humain doit exprimer de la nourriture. Et l'être humain n'exprime jamais de nourriture lorsqu'il pense. La pensée, ça ne fait rien. Ça ne vaut presque rien. La pensée, c'est simplement le reflet du passage de quelque chose. C'est la pensée. Ça ne fait rien, la pensée. L'être humain doit donc exprimer de la nourriture. Il exprime comment cette nourriture? Par son plan émotif. Lorsque l'être humain exprime de l'émotion, il ne la pense pas. Il n'est pas béa sur une chaise et là, il exprime de l'émotion. Un être humain qui exprime de l'émotion, tu le sais. Même si tu es aveugle, sourd, imbécile, tu le sais. C'est de la colère, tu vas savoir, même si tu es carrément niaiseux. L'être humain exprime de l'émotion et cette émotion, elle est exprimée à l'extérieur, donc c'est ça la nourriture. Maintenant, l'idée, c'est que tout ce qui gère, l'évolution expérientielle de l'être humain à l'échelon terrestre, non pas l'être humain espritisé, l'être humain normal, l'être humain qui meurt et qui meurt une deuxième fois pour le monde des morts et qui, à un moment donné, se réincarne sans jamais savoir ce qu'il a été, s'il a déjà vécu, où il va aller, l'être humain conventionnel, l'être humain normal, bon. L'être humain normal, qu'est-ce qu'il fait? Si on est dans un groupe et à un moment donné, quelqu'un commence à avoir exprime de la panique, de la peur, lentement, ça se communique. Pourquoi ça se communique? Parce que l'être humain est régi par une conscience collective et on a besoin que l'humain soit en panique. Alors, toute cette contingence qui gère la manipulation de l'homme, dernièrement, au dernier mini-séminaire, mercredi dernier, j'expliquais à certains individus qu'on pensait à leur place. Chaque fois que je posais une question à quelqu'un, je pose une question par exemple, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu par intérêt parce que je voulais apprendre, je sais pas. Alors je dis, bon, ben tu sais ou tu sais pas? Tu m'expliques pourquoi et tu finalises en disant, je sais pas. Est-ce que tu sais ou non? Ben oui. Alors qui t'a fait dire que je ne sais pas? Alors l'humain va peut-être dire, oh oui, mais là je sais pas, c'est une habitude. Alors encore là, oui, mais là je sais pas, c'est une habitude. Tu sais ou tu sais pas? Pourquoi peux-tu répondre tout en disant que tu ne sais pas? Pourquoi t'interdis-tu de savoir? Ou bien qui t'interdit de savoir? Et l'humain est manipulé. Alors, on avait quelques individus dans la salle à qui j'ai posé des questions, et tous, sans exception, ont pu constater qu'effectivement, eux voulaient dire quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui était dit. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Alors, qui parlait à ta place? L'humain va dire, ben oui, non, c'est moi. Alors, comment, toi, as-tu pu dépasser toi? Pensez-y deux secondes. Ça ne peut pas se faire. Alors effectivement, l'humain, il est manipulé. Il est manipulé à quoi? À exprimer des choses. On crée des guerres, on crée de la drogue, on bâtit des structures absolument incroyables, tout à fait organisées. Il y a presque plus d'intelligence dans le crime qu'il y en a dans la lutte contre le crime. C'est plus organisé dans le crime, d'ailleurs c'est le crime organisé. Et on passe un peu partout ces mécanismes pour arriver à créer toujours une décadence, une attraction de l'homme vers les plans matériels, une évolution, un empêchement d'évoluer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'être humain essaie de se conscientiser, lorsque l'être humain essaie de monter, il y a une scission chez lui. Il y a le plan émotif qui reste lui, et il y a un plan mental qui commence à découvrir des choses, à vouloir vivre autre chose. Et ce plan mental ne peut pas nourrir l'astral, donc il ne peut pas nourrir ce qui manipule l'humain au niveau collectif. L'humain vieillit parce que, à un moment donné, cet astral, le ciel, dans lequel on va créer les religions, les différentes religions pour lesquelles on va se battre ensuite. Bon, ce ciel, il est là, et ce ciel est égoïsé. Chaque dieu tient à vivre, comme chaque homme tient à vivre. Alors, lorsqu'un humain vit, lorsque l'humain accumule des mémoires, et mémoire après mémoire, l'humain a de l'expérience. L'expérience crée une sécurité chez lui. Une sécurité chez lui qui renforce son ego, qui renforce sa puissance d'identification, qui renforce le fait que lui devient drôlement manipulateur de l'extérieur. Alors, à un moment donné, par l'intelligence comme par les forces aberrées, donc les forces d'évolution, l'humain a trop d'importance. L'humain ayant trop d'importance pour la simple raison qu'il pourrait être capable de devenir le Dieu vivant sur la planète. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait vécu 2000 ans ou 3000 ans et qui serait ici aujourd'hui. Bien, elle serait le monarque à l'échelle de notre planète. Parce qu'elle aurait toutes les expériences des guerres. Elle aurait les expériences de tout au complet à l'échelle de notre planète, ce qui fait que tout ce qui est divin ne pourrait plus contrôler quoi que ce soit à l'échelle de notre planète, parce qu'un beau imbécile, un humain, viendrait se placer en être tout à fait expérimenté. Il saurait tout. Tout ce qui s'est passé, évidemment, générerait une vie similaire au passé, un peu ce que l'astral ou ce que les ciels tentent à nous faire faire, ce qu'on appelle la tradition. À condition que les hommes lui donnent assez de crédit ou de pouvoir ou de puissance pour le faire. Oui, c'est pas tout de tout savoir, il faut encore pouvoir le faire. Il faut avoir le crédit ou l'assentiment de. Oui, mais je crois que tu es d'accord avec moi pour dire que si l'humain est capable d'accepter une tradition qui n'a même pas de corps physique, alors il acceptera encore bien plus une tradition portée par un corps physique. Bon, il y a des humains qui ne pourraient pas le vivre, comme ils ne peuvent pas vivre non plus tradition religieuse. Mais un grand monarque, comme tu parles, il ne viendrait pas pour perpétuer le passé, il viendrait certainement pour le détruire. Non, moi, là, j'ai pris grand monarque, je parle du chef de notre planète. Je ne fais pas référence au grand monarque, disons, prophétisé. Je dis simplement que si on aurait, prenons l'exemple Toutankhamon, qui aurait été immortel. Alors, Toutankhamon, aujourd'hui, aurait les mêmes idées qu'avant, mais il aurait l'expérience de la planète. Alors, on aurait un tyran devant lequel on irait se mettre à genoux. La tradition, il aurait traîné avec lui. Comme les religions l'ont fait. On se met encore à genoux devant des dieux qu'on ne sait même pas s'ils sont là ou non. Il suffit juste qu'on dessine le dieu et on pense que c'est le dieu. Et si on dit non, ce n'est pas le dieu, ben déchire la toile. Tu vas voir que c'était pas le dieu, c'était quelque chose d'important. Parce qu'on te saute dessus. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'humain devient trop important, il finit par prendre plus de place dans le cœur de l'homme que les dieux. Que le monde du ciel, que le monde des morts. Cet humain ne peut pas vivre. Alors, la matrice de notre matière, la matrice planétaire, vient chercher l'énergie vitale parce qu'elle est chronométrisée. Et l'humain meurt. Mourant, il s'en va dans le monde des morts. Dans le monde des morts, il vient nourrir le ciel planétaire, comme on l'a vu lorsqu'on parlait de la survie à la mort, la conférence survie à sa mort. Et automatiquement, non seulement il ne peut plus être le maître par-dessus les dieux ici, il n'est même pas un demi-dieu, mais en plus, il vient nourrir le ciel, donc les dieux. La deuxième raison pourquoi l'être humain, à un moment donné, va mourir physiquement, c'est qu'il n'a plus besoin de son corps physique, et là, c'est lorsqu'il est en contact avec son esprit, donc lorsqu'il est en fusion totale avec le plan supramental. Il ne mourra pas de vieillesse, il ne vieillira pas, mais à un moment donné, le corps est simplement terrifié, donc le corps disparaît. L'être humain vieillit, il y a deux choses à voir la nuance, c'est que l'être humain meurt pour une raison et l'être humain vieillit pour une autre raison. On ne vieillit pas pour mourir. Et on ne meurt pas de vieillesse. L'être humain doit mourir parce qu'à la longue, il se croit, la longue, l'ego finit par devenir tellement développé que l'attraction qu'il a pour le monde des morts est telle que l'ego quitte le corps, donc l'homme meurt. C'est le principe d'amour. Bon. Lorsque l'être humain vit, et lorsque l'être humain est régi par un principe d'intelligence, lorsque l'être humain devient conséquentiel, et ça, vous allez en avoir des preuves au courant des années qui vont venir, vous allez voir des humains, pas beaucoup pour commencer, qui non seulement vont cesser de vieillir, mais vont commencer à rajeunir, et qui, à un moment donné, vont aussi mourir. Parce que l'être humain a toujours dans la tête l'idée que s'il est jeune et s'il rajeunit, il est immortel. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. On peut être vieux et être immortel, comme on peut être jeune et être mortel. Donc, ça n'a rien à voir. Lorsque l'être humain entre en contact avec l'énergie supramentale, donc avec intelligence instantanée, lorsque l'être humain est capable de ne plus faire référence à son ego, donc lorsque l'être humain ne se prend plus au sérieux, c'est-à-dire que lorsque l'être humain ne fait plus, n'attache plus d'importance à ce qui a été plutôt qu'à ce qui est, lorsque l'être humain est capable de vivre instantanément avec la vie, il n'accumule plus l'anti-adaptabilité cellulaire ou énergétique à la vie. Cela veut dire que lorsque l'être humain accumule des mémoires, il s'attache au monde du passé. La vie veut continuer à faire vivre le corps et à fonctionner avec, mais l'humain s'en dissocie. S'en dissociant, pour pouvoir s'en dissocier, il doit puiser de l'énergie vitale pour pouvoir créer une espèce de tampon entre sa conscience mémorielle et la conscience de l'instantané telle qu'elle est vécue chez l'enfant. L'enfant qui vient de naître a une conscience instantanée. Il ne vieillit pas, il va maturer. L'enfant apprend à devenir adulte. Et lorsque l'enfant commence à être orgueilleux, l'enfant va commencer à perdre de cette qualité d'enfant. Il commence à vivre une forme de stagnation, de vieillissement. Plus l'ego, donc plus l'orgueil, plus les phases mémorielles évoluent chez l'humain, plus l'humain commence son processus de vieillissement. Le cœur peut vieillir tandis que la peau paraît belle. Et on peut s'amuser longtemps à découvrir les parties du corps qui vieillissent. Ça peut être les cheveux, ça peut être les ongles, ça peut être ceci, ça peut être cela. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs pathologies qui n'ont rien à foutre, vraiment rien à voir avec le vieillissement. Que ça peut être la myopie, ça peut être la presbytie, ça peut être plusieurs choses. On va dire, oui, mais c'est à la longue, en vieillissant, la cornée va durcir, elle va s'allonger, donc elle va rendre les humains de plus en plus presbytes. Ce n'est pas en vieillissant, c'est un autre mécanisme d'expression de l'ego. Bon. Qui est relié à l'insécurité. L'être humain vieillit strictement parce que l'être humain puise dans, émotivement, dans son corps vital physique, l'énergie nécessaire à la cristallisation de son plan mémoriel. Strictement pour ça que l'humain vieillit. L'humain se rend malade aussi pour ça. Plus l'humain vit une émotion particulière, plus il peut gruger au niveau de son estomac. Il peut gruger au niveau de son intestin, de son système cutané, etc. Ça veut dire qu'on vieillit parce qu'on développe une personnalité, un ego, dans le fond, qui est une construction artificielle qui n'existait pas au départ, à la naissance. Pour deux choses. Parce qu'on développe une personnalité et parce qu'on développe l'identité de la personnalité. Donc, on s'identifie dans la personnalité au lieu de s'identifier dans ce qui est réel, mais on ne peut pas s'identifier dans ce qui est réel parce que ce qui est réel est au-delà de notre contexte planétaire, donc on ne le connaît pas. Alors, on crée un monde, la personnalité. Il y a la personnalité cosmique, il y a l'identité et il y a un coupage entre la personnalité cosmique, l'homme réel, et l'identité. La conscience d'état d'être, de vie, d'existentialité, et on crée une deuxième personnalité, c'est la personnalité égoïque, orgueilleuse ou astrale, la personnalité émotive, la personnalité du corps physique, et là, on s'identifie là-dedans. Et c'est là le problème, évidemment. Et aujourd'hui, partout où on va, on nous propose des cours de développement de la personnalité. On est donc mal parti. C'est une vraie farce. Qu'est-ce que c'est qu'un cours de développement de la personnalité? C'est l'ajustement d'un individu à la personnalité collective. On veut te montrer comment te faire des amis. On veut te montrer comment devenir diplomate, hypocrite, imbécile, puis aller ramasser tout le monde. Oui, mais laisse-les parler de ce qu'ils autres y aiment. Ils vont t'aimer. Mais qu'est-ce que t'as à foutre d'être aimé? Qu'est-ce que t'as à foutre de perdre ta vie à devoir têter les autres pour que les autres t'aiment? Développement de la personnalité. Tu vas apprendre à être poli. À un moment donné, ma sœur, lorsqu'elle était jeune, elle suivait un cours à l'école, un cours obligatoire, elle apprenait à boire de l'eau comme ça. Et elle apprenait aussi, regarde l'envie quand cette chaise est embrassée. Ça veut dire, assieds-toi donc la niaiseuse. Bon. Elle apprenait des choses. Et elle développait sa personnalité. C'est quoi développer sa personnalité? Apprendre à se maquiller, apprendre à se lever, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à être tout à fait autre chose que toi, mais apprendre à plaire. Donc, apprendre à être tout à fait collectivisé. C'est le contraire de l'authenticité. Ben oui. On ne peut pas développer l'authenticité chez un individu, on ne peut pas l'instruire à être authentique. Par contre, on peut lui nuire en maudit si on veut l'instruire à être personnalisé. Ça va toi. Qu'est-ce que le vieillissement? Le vieillissement, c'est la dégradation cellulaire.